Selon les presses sud-coréennes comme Kungmin Ilbo et Omae News, les paysans de l'arrondissement de Songju ont retourné le 30 juillet les champs de melon en signe de protestation contre la disposition du SAD par les États-Unis et les autorités.